il s'en va avec la vibe comme ça. Il nous laisse en plein avec la vibe. Nous, on est dedans et hop, il se barre comme ça et il nous reste là. Moi, je dis ça, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, soit un crash, soit je dois y aller, soit. Voilà. Il aimait bien la vibe était bonne.